ralentir sous les bosses. La guerre, la guerre. Et qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la guerre? La guerre, la guerre. C'est comme si c'était mon frère. À la pression, on bat ton calette. On va en vétéro et on perd. Ça fait mal à la tête le lendemain. Mais on va remettre ça son fort. La guerre, la guerre. Mais si jamais je trouve.